son sang. Son visage lisse amincit en urgence. Agneau que ce berger a livré et sacrifié pour le pardon de ses excès. Dans son enfance, ma sœur dérivait. Dans le ruisseau qui quitte la mer pour s'installer sur les berges, les ombres de chaque été nous reflétaient. Ses pas de sa main sur un parc abandonné, innocent, reconnaissant, prêt à suivre leur jeu, je lui ferai de la salle. Le jour brillait, sans présages inquiétants. Elle m'a salué gracieusement avant de reprendre sa marche. Mon père l'a mené à l'hôpital le matin. Quand il est arrivé, il a joué avec d'autres enfants. Ses yeux me cherchaient, un médecin l'a couverte avant de l'emmener faner dans sa chambre. Recouverte de feuilles, d'orignaux et de gazelles, nous avons vu son visage encerclé par des serpents et qui perçant ses bras. Douloureuse, lève-toi de perçant ses branches. Infirmières m'ont séparé de Christina quand nous avions besoin l'un de l'autre. J'étais son guide qui la pillait le matin. Elle m'a complice qui me couvrait l'amour loin de moi cessé. Flétrie comme un champ sans la pluie, dans le brouillard le plus épais depuis le bassin du Nil. Le chagrin le plus ancien exhalait ses arômes froids. Son corps sans effusion de sang englobé une boîte en bois. Naufragé sauvé de la haute mer, l'univers s'est tué, le soleil a brillé. Et confuse, quitte à ses yeux rieurs, la lueur rend ses aurores passent comme son visage sombre devant ma fenêtre. Comme un cerf nous allait alors à la recherche immaculée pour consolation. L'été se rendu un seul, se sont débarrassés de mon annonce. Dans mon corps, chaque match était loin. C'était la dernière nuit des enfants. Nous prions pour leur avenir, nous évoquons les ténèbres. De retour à la maison le 13 mars, le vent pillait les arbres dans notre sillage. Comment ils m'ont parlé de repos, malgré la place que je souffre. Mes poumons, c'était la place à m'être convulsé. Devant une foule qui gémissait des mots anciens. Ainsi nous avons subi l'impuissance de son absence et expectant résoudre sa mort tout. Les angoisses partaient à sa recherche, en regardant tes épaules s'échapper. La nuit est tombée sur elle et je suis impuissant dedans. 20 ans plus tard, le soleil se couche et son teint doré brise le ciel. De nouveaux efforts prolongent encore plus de force chaque nuit. Dans ses bras. La lune effervescente sainte du néant. Le firmament et Jeannette Christina revient avec son rire. La lune effervescente sainte du néant. Le firmament et Jeannette Christina revient avec son. Il pleut, et je dessine ma fenêtre avec. Avec les papillons que le ciel nous a donnés. Avec des libellules, des jeux passés. Et ainsi tu me préserves enfant, dans les villes déconcertées par mes croyances. Je serai le vent qui dans ses changements conforte chacun de ses secrets. Chaque jour ton absence me couvre, presse dans léthargie d'insomnie. Chaque jour tu débordais de douceur, vis tes jours incertains, nous laisse un goût aigre doux d'espoir. Que mes peines se déversent en délicatesse pour les ruminants gardés de Vishnu. Personne ne paye jusqu'à ce que sa bien-aimée meure. Je sens que tu proudes. Espère m'a être un échec. Convaincu vraiment ton cesser ça. Ton document qui t'a garnir a commencé sans lire quoi. Non, je lis ce qu'il ne sait. Ton peut-être faire comme moi.